écoute ça. Ya ya, écoute ça. Ya ya ya. On débarque sans plan sur beat hard dans ce bat, en pas juste pour le département. Là où taf et talent sont absents, même les ghouls dans la foule s'écartent quand on débarque sans plan sur beat hard dans ce bat, en pas juste pour le département. Bien que ta clique ça grippe, y'a trop d'écart, yo. Alpha mi baratine brise écart quand on débarque sans plan sur beat hard dans ce bat, en pas juste pour le département. Là où taf et talent sont absents, même les ghouls dans la foule s'écartent quand on débarque sans plan sur beat hard dans ce bat, en pas juste pour le département. Bien que ta clique ça grippe, y'a trop d'écart, yo. Alpha mi baratine brise écart quand j'aime les désastres, hélas. Les nasses repassent face à mes faces, c'est pas triste quand même kaki d'arriver les princes traces. Quand les instruments sont restrictes depuis des lustres sur instruments quand je passe. Les pédéras traces. Perdons ton gant, c'est la fin de ton temps. Le bar champlant, ma voix résonne et j'aime la terreur dans ton gland. Le glas qui sonne, c'est l'heure du combat sanglant. Que désirent ceux qui font semblant. Kamel USH, Eric MKH, Faro Mike Oma, c'est la combinaison garage. Alpha mi synonyme de mort, comme la calage. Appellation au puncher, direct dans ta galage. Les rimes, le flow, les pics, le panache. Du monde sur scène après nous, j'espère que t'as pas le crash. Le synarche, on n'est pas là-dedans. On tire pas des balles à blanc. Y'aura des tanks dans la fosse quand on fera le bataclan. On débarque sans plan sur beat hard, on se bat en pas juste pour le département. Là où taf et talent sont absents, même les doutes dans la foule s'écartent quand on débarque sans plan sur beat hard, on se bat en pas juste pour le département. Bien que ta clique ça grippe, y'a trop d'écart, yo. Alpha mi baratine brise les cartons. La mort sur d'un beat, v'là l'MC enragé sur le beat. Sorti de nulle part, venu pour t'arracher le titre. En pro critique, c'est tellement plus facile de jacter que d'aller peaufiner sa technique. Pas de crari, faut que mes écrits restent fidèles à ce que je vis. Faut que ma shit reste identique à ce que je suis. En chien ou bien avec les poches pleines, je serai toujours le même, car c'est du son qui coule dans mes veines. Ouais, tu sais j'ai ça dans le sang. Sur un son plus doux dansant, les faux me sentiront menaçant. J'ai le rap au corps, cause haine et tracas. Full gang, cadant des rangs, ma rime causera perte et fracas. Je suis à l'armée d'un chromie, venu pour faire mal, exécuteur de Tommy au feu infernal. Un conseil, tends l'oreille et surveille ça de près, ouais, ouais. Car t'as pas idée de ce qui vient après. On débarque sans plan sur beat hard, on se bat en pas juste pour le département. Là où taf et talent sont absents, même les doutes dans la foule s'écartent quand on débarque sans plan sur beat hard, on se bat en pas juste pour le département. Bien que ta clique ça grippe, y'a trop d'écart, yo. Alpha mi baratine brise les cartons. J'suis là les mains dans les poches, fraîchement débarqué. Chacun de mes lyrics bruts, rappé pour te marquer. J'suis comme ce clan des dublets, sans papier, sans pierre, qui rôde dans Paris à la recherche de la bonne affaire. J'suis un peuple en chair, des watts, pas mandataire. Tant qu'à faire, on trépane, les crânes planent comme de râler. C'est malin à terre, rappeur, pas vacataire. On adhère et m'insère pour que l'impact de nos claques dans les bacs soit l'air de la guerre. J'écris tard la nuit comme ma passion me touche. La baraque en mode off, mes rimes avant que je me couche. C'est là que je prépare mes armes aiguisées pour trancher. Je rentre sur le beat à mal, j'enterre sous le plancher. Que t'aimes pas, je m'en branle, ce son me fait jouir. C'est peu une production, je suis pas prêt de finir. Je t'enchaîne, tu veux que je me calme pour respirer ton air. Un conseil, si tu veux la paix, prépare la guerre. On débarque sans plan, on débarque sans plan. On débarque sans plan, on débarque sans plan. On débarque, on débarque, on débarque. On débarque, on débarque, on débarque. On débarque, on débarque. On débarque sans plan sur beat hard, on se bat en pas juste pour le département. Là où taf et talent sont absents, même les doutes dans la foule s'écartent quand on débarque sans plan sur beat hard, on se bat en pas juste pour le département. Bien que ta clique ça grippe, y'a trop d'écart, yo. Alpha mi baratine.